Bonjour, ici Léa et Clara. Nous sommes la sixième génération de chez Salaison Vaisson. C'est nous qui sommes responsables des communications. Une tâche nous a été confiée cette année. Nous avons l'honneur de vous souhaiter les vœux du temps des fêtes. Au nom de Salaison Vaisson, nous vous souhaitons bonheur, amour et prospérité pour la nouvelle année. Ayons la force de croire en nos rêves afin de les réaliser. À tous nos parents, clients et amis, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année. Parce que si c'est pas Vaisson, c'est pas aussi bon! Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Ici Stéphanie Ouellet. En cette période de réjouissance, toute l'équipe de Savard Perron Ouellet Notaire tient à souhaiter à sa fidèle clientèle un joyeux temps des fêtes et une heureuse année. Nous profitons de ce moment pour vous remercier de la confiance que vous nous accordez année après année dans des moments marquants de votre vie. Au cours de la nouvelle année, les notaires Cathy Savard, Jonathan Perron et moi-même Stéphanie Ouellet se feront un plaisir de vous accueillir dans leur tout nouveau bureau situé dans les condos de Place du Marché Wahlberg. Joyeuses fêtes à tous! Toute une bombe hier dans le monde du hockey. On a parlé de l'aspect du côté de la Ligue nord-américaine. Qu'est-ce qui va arriver avec la Ligue nord-américaine avec le commissaire Richard Martel se présente comme candidat conservateur dans Chicoutimi? Est-ce que Richard Martel a vraiment des chances de se faire élire? Moi, j'en doute. J'en parle avec l'animateur de l'émission Midi-Pile à Radio X-Saguenay, Simon Tremblay. Salut, Simon! Danny. Simon, j'ai oublié, je vais me confesser, je t'ai pas écouté ce midi, je suis en grosse production, j'ai pas, d'habitude je t'écoute tous les jours, j'ai oublié d'avoir tes commentaires, j'aimerais savoir tes commentaires là-dessus. Si tu m'as pas écouté, tu devais t'occuper en maudit. Ben oui, ben oui, écoute bien, là. J'écoute tout ce qu'il y a de radio, Simon, mais je suis en grosse production avec le temps des fêtes, tu sais comment ça marche, t'es dans le monde de la radio aussi. C'est bien correct. Alors, ben, en fait, on a eu confirmation que c'est à 10h demain matin au Montagnac que Richard Martel va confirmer qu'il va se présenter pour le Parti conservateur dans Chicoutimi-le-Fjord. C'est le premier à s'annoncer parce que ouais. Cette partielle-là, la date est même pas encore connue. Ça, c'est le parti au pouvoir qui décide ça. Denis Lemieux a officialisé sa démission comme député libéral de Chicoutimi-le-Fjord. Ça a été officiel, je pense, autour du 10. Donc, il y a un nombre de jours maximal à laquelle Justin Trudeau peut décider de déclencher l'élection. Et depuis ce temps-là, oui, il y a des rumeurs de candidature pour le NPD, pour le Parti libéral, qui est le plus populaire, évidemment. Là, ça se bouscule peut-être un petit peu plus. Le Bloc québécois, Martine Ouellet est venu faire un tour à Saguenay cette semaine pour rencontrer des gens. Et là, Parti conservateur, qui sort de nulle part, qui va être le premier à lancer la parade, va annoncer demain que Richard Martel se présente. Ben, si tu me demandes, est-ce qu'il y a des chances? En ce moment, oui, parce que dans une partielle, tout est possible. Le candidat a peut-être plus de place d'ailleurs dans une élection générale. Ça va dépendre aussi comment les chefs vont percevoir ça. Est-ce qu'ils vont mettre la gomme pour essayer d'avoir une bonne visibilité à la grandeur nationale dans ce comté-là, puis essayer de tirer les ficelles d'un bord et de l'autre? À ce moment-ci, avec les candidatures qui ne sont pas annoncées, c'est le premier. Tant qu'il est tout seul, je te dis qu'il y a une chance. Oui, mais sauf que moi, là, tu parles d'un vrai conservateur, un gars de droite là, qui a voté conservateur alors que tout le monde était libéral ici pour Richard Hébert. Dans le comté, là. C'est un vrai conservateur qui parle. Puis moi, je me rappelle toujours de ce que Jean Lapierre avait dit, le regret de Jean Lapierre. En politique, si tu te lances puis tu t'es défait, vas-y pas, ça donne rien. Puis moi, je pense que, tu me corriges, je me trompe, mais les assises du Parti conservateur dans Chicoutimi sont pas très élevées, hein? Non, c'est vraiment, vraiment pas terrible dans Chicoutimi-le-Fjord. Puis même à la dernière élection, c'était Maître Caroline Sainte-Marie qui s'était présentée pour eux autres. Puis je peux te dire que vers la fin de la campagne, elle s'est sentie carrément délaissée, ne serait-ce que par le Parti national. Là. Elle avait plus d'aide pantoute, puis elle a décidé de faire cavalier seul, puis de lancer des idées elle-même sans faire approuver ces idées-là, parce qu'elle sentait que c'était en train de glisser sous les pieds. Dans une partielle, c'est différent, par contre. Là, c'est sûr que le national va les aider. Là. C'est sûr, ceux qui vont les aider pendant cette partielle-là pour essayer d'avoir une bonne image. Puis ce qu'on a su, c'est que Richard Martel s'engage à se présenter à la partielle-là, mais aussi, en cas de défaite, à l'élection général. Donc, ça semble être vraiment du moyen terme, là, de vouloir s'essayer, puis d'offrir une bonne performance à partiel. On s'entend, Danny, que si jamais il se fait terrasser à partiel, d'après moi, un gars fier comme Richard Martel ne voudra pas se représenter à l'élection fédérale. Mais ce que j'ai hâte maintenant, puis on devrait y parler demain, savoir, es-tu politisé, Richard Martel? On a souvent parlé du sport avec lui. Des gens dans son entourage m'ont dit, ouais, mais Richard Martel, on parle pas bien de politique avec lui non plus. L'année passée, il avait été pressenti par certains pour devenir maire de Saguenay. Il avait sorti dans un sondage après Luc Boivin, Jean-Pierre Blackburn. Suite après, en troisième position, Richard Martel. Ça flatte peut-être l'ego un petit peu, mais j'avais demandé, Richard Martel, c'est quoi les enjeux qui tiennent à cœur en politique municipale à cette époque-là? Puis il n'avait pas voulu répondre. J'ai hâte de voir s'il va pouvoir répondre rapidement en politique fédérale, qu'est-ce qui tient à cœur. Au-delà de tout le temps la grande déclaration de tous les politiciens qui se lancent dans les premiers jours, là, moi je veux servir l'électeur de mon comté. Ouais, c'est facile, ça. Tout le monde peut faire ça. Ah, c'est clair. Mais tu sais, c'est quand même important. Puis là, t'as parlé des autres partis. Du côté du libéral fédéral, il y a une partielle, c'est quoi? C'est Mac Pedersen contre Claude Simard, c'est ça? En fait, ce qui circule, ce serait Mac Pedersen en investiture contre Claude Bouchard qui travaille à Promotion Saguenay. Mais tu sais, dans un cas comme dans l'autre, c'était tout un pari pour le Parti libéral. Mac Pedersen, on connaît son passé, quoi que sa gang de Chicoutimi-Nord ont voté pour lui au municipal. Donc, ça forcerait, s'il est élu, une autre élection partielle, mais au municipal, dans ce cas-là. Là, ça commence à faire pas mal. Et M. Bouchard, lui, travaille à Promotion Saguenay, qui n'a pas très bonne presse de ce temps-ci. Là. C'est peut-être un pari risqué, en tout cas. Mais est-ce qu'il pourrait avoir un autre candidat qui sort un peu de... un maire qui sort de nulle part, qui est bien coté au Saguenay, qui pourrait se présenter libéral, de ce que tu entends dire entre les branches? De ce qu'on entend, non. C'est deux noms qui circulent actuellement. Il y a même des gens qui ont dit que le docteur Dominique Gagnon, qui s'était présenté au municipal, aurait pu avoir un intérêt. Donc, ça va avoir à l'investiture là, s'il y a quelqu'un qui va sortir dernière minute pour brouiller les cartes un peu. Mais ce qui circule, c'est ces deux noms-là. Pour le NPD, le seul nom qui a circulé à date, c'est Danny Morin, qui a été député pendant 4 ans dans la vague orange du NPD, qui pourrait peut-être, il est en train, ce qu'il nous dit, de mesurer ses appuis. Éric Dubois, qui est relié au NPD depuis des années, il est dans Chicoutimi-Lefiard. Est-ce qu'il pourrait être intéressé à se présenter là? Ce sera à voir aussi. Puis pour le Bloc, c'est des rencontres qui ont eu lieu au cours des derniers jours. Il y a, entre autres, Mario Gagnon, qui est un pompier bien connu ici, impliqué dans le communautaire, qui aurait été approché par Martin Ouellet. C'est pas mal le portrait actuel qu'on a. Donc, c'est pas aussi solide qu'ici dans le Lac-Saint-Jean là, pour se présenter. Non. OK. Mais une partielle, tu l'as dit, c'est important. Il y a à peu près quoi? C'est 30% à peu près du partiel, une partielle lors des élections. Normalement, la machine pour faire sortir le vote, c'est primordial. Les libéraux, quand on dira ce qu'on voudra, je pense qu'ils vont être quand même bien armés pour faire sortir le vote. Du côté des conservateurs, c'est quoi? Ça sera bon, parce que je dis ça, mais le Parti libéral, il n'y a pas si longtemps, là, avant Justin Trudeau, c'était quasiment mort et enterré. C'était quand même pas facile pour recruter des candidats. Les membres, ça se bousculait pas non plus. Oui, ça s'est amélioré actuellement, mais est-ce que c'est vraiment plus élevé que le Parti conservateur? Le fédéral, les organisations, on dirait que c'est moins fort et moins intense qu'au provincial. Peut-être moins d'intérêt un petit peu pour des gens en fleur de l'âge de participer à des organisations de politique fédérale. Le Bloc québécois a toujours eu dans la région des bonnes assises. Est-ce que, comme dans Lac-Saint-Jean, il pourrait faire une petite surprise avec un bon candidat? Ce sera à voir. OK. Simon Superman, on va faire une pause. Je veux te laisser puis je veux t'entendre sur ce que Michel Tifot a dit ce matin sur les ondes de danadosport.com concernant le Centre Georges Vézina. Vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Simon Tremblay sur les ondes de danadosport.com. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Ici Sylvain Rouleau, directeur général de la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire Desjardins des Plaines-Boréales. À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime. Cette période de l'année nous offre une occasion unique de nous rapprocher des personnes qui nous sont chères et de partager des moments magiques. Au nom des dirigeants et du personnel de vos deux caisses, nous vous remercions de la confiance témoignée tout au long de l'année, que la nouvelle année vous apporte bonheur, santé et prospérité et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. Joyeuses fêtes! La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacqueline Doucet, 418-276-6170. Le site touristique de la Chute à l'eau vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealour.com. On est de retour avec l'animateur de l'émission Midi Pile à Radio X, Saguenay, Simon Tremblay. Simon, évidemment, c'est un dossier plus sportif, mais j'ai été sur la venue possible de l'Empire League Baseball à Ville-Saguenay. Ça, c'est une filiale qui pourrait être la Ligue Can-Am, donc des capitales de Québec. Évidemment, j'ai interrogé Michel Tifo là-dessus, mais je l'ai interrogé également sur le dossier du San Jose Vezina. La Ville n'a pas sorti beaucoup depuis la déclaration de Gilles Courteau, mais les premiers commentaires de Michel Tifo, la Ville n'a pas d'argent pour une nouvelle amphithéâtre. Es-tu surpris? Bon, je suis pas vraiment surpris. Je m'attendais pas à une grande sortie de la part de quelqu'un en politique municipale actuellement, disant c'est sûr qu'on veut un amphithéâtre. J'ai parlé à Michel, moi, hors des zones, il y a un petit bout de temps, puis il disait on est en analyse, puis on veut pas se prononcer, puis il faut garder le budget. Le budget va sortir demain ici à Saguenay, là, puis la marge de manœuvre est très, très, très limitée. Il y a Michel Potvin qui est comme le président du Conseil du Trésor du Comité des Finances à Saguenay, qui est un très grand partisan des Saguenayens, qui même lui regarde les chiffres puis dit « Oh, mais là, regarde, on n'a pas l'argent pour faire un nouvel amphithéâtre. » Même Philippe Couillard, le premier ministre, avait dit sur nos ondes qu'on est dans le scénario d'une rénovation, parce que si on s'embarque dans la nouvelle construction, si on parle de plusieurs années, ça va être beaucoup plus long. Il a rencontré hier José Néron, la mairesse, et il a dit que le projet de rénovation, il a l'air plus ambitieux que juste le toit. Donc, on a l'air vraiment dans une question de rénovation actuellement pour le San Jose Vezina. Mais par contre, écoute, j'ai fait une entrevue avec Claude Boucher, qui est le descripteur des matchs des Cataractes de Shawinigan, Simon, la semaine passée. Tu sais, Shawinigan, c'est pas, on dit tout le temps qu'à Ville-Saguenay, c'est pas riche, il n'y a pas d'argent. Shawinigan, quand ils ont pris la décision de bâtir un nouvel amphithéâtre, c'était pas très, très riche non plus. Il y a eu des fermetures. Ah, le fédéral, t'es là. N'oublie pas, Danny, que le fédéral, t'es là. Oui, mais Philippe Couillard est là aussi. Oui, mais tu sais, le fédéral, c'est l'ancien comté de Jean Chrétien là-bas. Il y avait une certaine redevance dans ce coin-là. Ça a été annoncé. Si le fédéral embarque, puis là, on peut peut-être commencer à jaser. Là. Oui, c'est si clair. Le fédéral embarque tiers avec le provincial puis le municipal pour un projet de nouvel amphithéâtre. Puis encore, moi, je pense sérieusement qu'on va se diriger vers un scénario de rénovation. Ce qui m'intéresse plus à ce niveau-ci, c'est de savoir est-ce qu'on va garder la glace olympique ou est-ce qu'on aura une glace régulière ou encore du rétractable, justement comme on voit ce qu'ils ont fait à Shawinigan. Ça, c'est un point impossible. C'est l'enjeu, on risque d'aller là. Il faut pas non plus, je sais pas ce que Michel te dit, mais il faut pas non plus recommencer à rencontrer tous les groupes qui avaient déjà été rencontrés pour voir leurs besoins, puis que ça traîne encore pendant des mois, puis qu'on rate l'opportunité de l'élection provinciale qui arrive quand même l'année prochaine. Puis c'est pas juste ça non plus, Simon. C'est que Claude Boucher m'a raconté à Shawinigan et à Trois-Rivières, le coût du projet a monté terriblement parce que ça s'assassinait. Ça monte de 5% par année. Et quand tu t'astines, quand tu parles, puis tu jases, puis tu décides rien, ben c'est là que le coût du projet monte. Mais dernière question, Simon. Tu sais, l'histoire du Soccer Dome, là, tu te rappelles de ça, à Ville-Saguenay, un PPP. Est-ce que ça pourrait pas être tous réunis dans un méga projet? Ben, je rêve en couleur. Ah, ça, j'en doute. J'en doute fort, parce que la dynamique qu'on a à Saguenay avec la fusion, même si tout le monde dit que c'est une belle grande ville unie, oubliez ça, là. Il faut qu'il se poudre un peu dans les différents arrondissements. Le Soccer Dome, d'après moi, ce sera à Jonquière pour essayer d'éparpiller ça un petit peu. Puis, de toute façon, il y a des conseillers municipaux actuellement autour de la table qui n'ont parlé beaucoup à Jonquière, dont Jean-Marc Crevier qui s'est fait élire. Il y a Carl Dufour également, Arvida, qui en a parlé. Michel Tifot et Jonquière, bientôt au sport. Fait que, d'après moi, l'histoire du Soccer Dome, ce sera soit Arvida ou à Jonquière. À l'emplacement, je ne sais pas encore exactement c'est quoi. Est-ce que ce sera encore un PPP? Ils ont l'air d'avoir abandonné la gang d'Angerneige qui était derrière le projet. Peut-être qu'on va se diriger vers une construction 100% publique. Mais encore là, si on n'a pas d'argent pour un nouvel amphithéâtre, on devrait pas en avoir plus pour ça. Partout au Québec, tu le vois, Danny, ce qu'ils font là, dans les arénas, dans les soccer domes, ce qu'ils font, c'est de faire construire par du privé en offrant une garantie de location. C'est le projet qu'on avait, ça n'a pas marché, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être intéressées? C'est là-dessus qu'il faut miser. Tu sais, à Québec, il y a un dôme, le fameux dôme qu'on a mis sur le stade Canac, là. Ouais. Tu sais, quelque part, ça pourrait être une bonne solution pour le Soccer Dome aussi. Simon, joyeuse fête. Continue ton excellente émission avec Fred Gagné et mon collaborateur Marc Diquet. Bravo pour votre... Puis reviens-nous avec des bonnes émissions en 2018.